Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Alors, le mot de passe? Fidelio. Ah, ok, ok. Le deuxième mot de passe? Je crois que je le savais, mais je ne me rappelle plus, non. Je ne sais pas, tu pourrais essayer Tom Cruise. Tom Cruise. I feel the need for speed. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. Mega Man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Last chance to walk away. Et bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Et pour ce faire, on regarde les films un par un par ordre chronologique et on vient en discuter autour des micros. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, on va vous parler de Eyes Wide Shut, sorti en 1999 de Stanley Kubrick, Les yeux grands fermés, un titre québécois, très beau titre. Très bien traduit. Où Tom Cruise joue avec Nicole Kidman et joue le rôle de Bill, enfin William Bill et Alice Harford. Et ouais. Voilà. Gros morceau, on est très très angoissés. Et du coup, Serena, comme d'habitude, est-ce que tu avais déjà vu ce film et dans quel état étais-tu, te sentais-tu avant de le revoir ? Eh bien, je l'avais déjà vu, mais il y a longtemps, et je pense que j'étais un peu choquée de ça, parce que quand même... Un petit traumatisme jamais refermé. Donc, je me disais, ah, je sais pas, je vais le revoir, allons-y, et finalement, voilà, je l'ai vu. Et toi ? Moi, je l'ai vu, c'est passé tranquille. C'est passé. Moi, je l'ai déjà vu, ça devait être la 3e ou 4e fois que je le voyais. Ah ouais. Et j'avais pas envie de le revoir parce que je sais qu'à chaque fois ça me met dans un état bizarre. Ouais. J'angoissais un peu. Et du coup, j'étais quand même contente de le revoir un peu, mais. Appréhension, petite appréhension. Ouais, tu sais, c'est pas le genre de film. Faut s'y confronter, quoi. C'est pas cadeau. Je comprends. C'est pas Ace Ventura, tu vois. Non. J'essaie de chercher l'autre bout du spectre, je crois que c'est à peu près par là. Ok. Bon, bah alors là, on va se faire un petit résumé. Normalement, c'est facile à résumer. Ouais. C'est plus compliqué à expliquer, mais ça, oui. On verra plus tard. Tout à fait. Allez, je coupe Chris Isaac et c'est parti pour le résumé. Let's go. Nous commençons avec des gros titres très classe. Tom Cruise, Nicole Kidman, Stanley Kubrick. Allez, bam. Première image. Question. Nicole Kidman qui se déshabille. Et on voit Nicole Kidman à poil, oui, dans une salle de bain, dans une chambre. Tom Cruise, donc Bill Harford, qui se prépare. Et en fait, ils sont en train de sortir pour une grande soirée. Appartement déluxe des ouf malades. Et j'ai noté à peu près tout le temps Noël. Sapin de Noël. Avant Noël, il y a des sapins de Noël et des lumières de Noël de partout. Dans tous les plans. Tous les plans. Il y a un arbre de Noël. Ouais, grave. Donc, ils sont en train de sortir. Ils disent au revoir à la nounou et à leur fille, Hélène. Et ils se retrouvent, ils vont à cette soirée de Monsieur Ziegler. Oui. Ah, parce que Bill, donc Tom Cruise, est médecin et donc c'est un de ses patients, oui, qui est hyper riche, c'est ça, dans une baraque encore plus ouf que celle de Tom Cruise, qui est déjà à bon niveau. Oui, celle de Tom Cruise, c'est un appartement qui a l'air cossu, quand même. Mais l'autre, c'est un palace. C'est un palace. Je pense qu'il a la moitié de la ville. Donc, c'est à New York. Je ne sais plus si on l'a dit, mais c'est à New York. Hein. Ouais, c'est ça. Chez nous. Et donc, qui les accueille avec sa femme, et qui cherche un peu, il fait un peu de conversation, oui, et les amène et ils les font aller à la fête. Fête, lumière de Noël de partout, des magnifiques lumières, c'est incroyable. Tom Cruise et Nicole Kidman, ils dansent un peu. Tom Cruise, il voit dans les gens qui jouent, Parce qu'il y a un orchestre, bien sûr, qui joue. Sinon, pas c'est pas les DJ. On n'est pas chez les Plouks. Il y a les pianistes. En fait, c'est un ancien camarade de l'école de médecine de Tom Cruise. Il dit, ah, mais c'est Nick. Waouh. Et Nicole dit, tu veux aller lui parler? Il lui dit oui. Elle dit, bon, on se retrouve au bar. Okay. OK. Donc, Tom Cruise va parler avec Nick. Il découvre qu'il est devenu pianiste parce qu'il avait laissé l'école de médecine. Il avait abandonné, ouais. Et Nick lui dit, bah, si ça t'arrive, moi je reste 15 jours par ici, parce que lui, il est de Seattle, donc il s'est retrouvé à New York. Si ça t'arrive de passer au Sonata Café, je suis là tous les soirs. Mmh. Mystère. Ouais, quand il dit ça fait pas mystère, mais nous, on sait que c'est mystère. Nous, chaque détail, de toute façon, c'est... Le moindre mot italien dans ce film, c'est mystère. Oui, c'est vrai. Donc, on retrouve Nicole Kidman, qui s'est fait draguer très lourdement par un monsieur méga riche, hongrois. Vieux monsieur hongrois. Tu vois que c'est le... C'est un gros forceur. Voilà. Il pique son verre pour le boire. En disant, ah non, excusez-moi, c'est mon verre. Oui, je sais. Oh, trop bizarre. Il danse toute la soirée et elle le drague aussi. Il y a un gros flirt qui s'émet. Oui. Et en même temps, Tom Cruise qui s'est fait draguer par deux filles qui veulent faire un plan à trois. Deux jeunes mannequins. Voilà, avec lui. Tom Cruise. Qui veulent l'emmener au bout de l'arc-en-ciel. Quand même, parce que c'est beaucoup plus joliment dit, comment je le dis, ça c'est sûr. Non, puis c'est l'arc-en-ciel, ça revient après. Donc... Ah, ouh, j'avais même pas capté cette référence. Ils auraient pu le dire en italien, on aurait mieux senti venir. Oui, c'est vrai. Donc, Tom Cruise est en train de partir avec les deux filles, mais en fait, tous les deux draguent avec ces personnes. Mais tu sais pas s'ils veulent, ils veulent pas, ils ont quand même plutôt envie de vouloir, mais ils arrivent jamais à rien conclure. Donc, Tom Cruise, il s'est fait interrompre par les majordomes de Monsieur Ziegler en disant « Monsieur Ziegler a besoin de vous ». Pim, il laisse les deux mannequins et va dans la chambre de Monsieur Ziegler. Et là, il trouve une femme à poil sur un fauteuil en train de mourir, évanouie, perte de conscience, on comprend pas trop. Donc, il l'examine. Il découvre que M. Ziegler, il était en train de faire niquer avec elle. Oui, je pense. Pas d'autre mot. De toute façon. Et qu'ils ont pris du drogue. Et qu'ils ont pris de la drogue et qu'elle est un peu à la limite de l'overdose. Ouais. Donc, il lui dit, tu t'appelles comment? Elle dit Mandy. Et il essaie de la faire un peu revenir. Il la check un peu et il découvre, bon, ça va. Mais il lui dit, attention, c'est une des dernières fois que tu pourras faire ça parce qu'après, tu meurs. Là, il faut la laisser tranquille une petite heure. Et après, voilà. Ziegler qui fait une heure. Oh, fais chier. Oh, fais chier, je peux pas la virer tout de suite. Ouais. Bon, monsieur Ziegler. Pas trop si c'est une prostituée ou pas. Enfin, c'est un peu, bon. Ouais, ça a quand même l'air d'être... Oui, mais... bon. Donc... Pendant ce temps-là, Nicole, elle est toujours avec le Hongrois. Bon, et après, à un moment, il se retrouve, il ne se passe pas grand-chose, il répond... Il rentre à la maison. Il rentre à la maison. On voit beaucoup des scènes de la routine de tous les deux. Donc, Nicole Kidman, qui en découvre qu'elle est femme au foyer, qui est sans travail, elle travaille dans une galerie d'art. D'ailleurs, des beaux tableaux chez elle avec des gros gars, des gros chats, c'est trop nul. Alors, attention, on ne te moque pas, parce que les tableaux dans la maison, c'est les tableaux de la femme de Stanley Kubrick, de Christine Kubrick. Ça ne m'étonne pas. Et les dessins d'enfants, c'est les dessins de la fille de Kubrick. Voilà. Ah ouais. C'est cadeau. Voilà. Et on commence les anecdotes, mais il y en aura, je pense, à l'appel. Je les débarrasse maintenant, parce que... Oui, c'est bien. Donc, elle à la maison avec la fille Hélène qui s'occupe d'Hélène et Tom Cruise au cabinet en train de ausculter des patients. Oui, c'est un médecin généraliste, hein. c'est pas super classe, mais c'est pas mal. Ils se retrouvent un soir. Alice, elle est un peu ennuyée, je pense, dans cette relation, dans sa vie, dans son quotidien. Et elle se fume un gros pétard. Donc, ils fument tous les deux au lit. Oui. On voit pas Tom Cruise fumer. Non, on voit qu'elle. Mais bon, a priori, ils font tourner. On a l'impression qu'ils font tourner. Et à un moment, Alice, donc Nicole Kidman, raconte à Tom Cruise qu'il y a longtemps... Bah, ils sont dans une discussion, il se prend un peu la tête. Je vous épargne quand même tous les détails. Sur la jalousie, en fait. Il parle de la jalousie. Qu'est-ce que tu faisais à la soirée avec les deux femmes? Et toi, qu'est-ce que tu faisais avec l'autre? Mais tu sais, nous, les hommes, on pense toujours à ça. Ah, mais du coup, tu as pensé à ça. C'est et tu penses que les femmes, elles ne pensent pas à ça. Un truc comme ça. C'était ça. Ils comparaient comment ils étaient jaloux ou pas. Et... L'un de l'autre. Et du coup, elle dit, bah, tu sais, les femmes, elles ne pensent pas à ça, mais tu rêves. Moi, je me rappelle, tu te rappelles cette nuit à Cape Cod, on était tous les deux. J'ai vu un officier marin qui passait dans l'hôtel où on était. On s'est regardé. Il y a juste eu un regard et je ne pouvais plus bouger. J'ai pensé à lui tout le temps. On a parlé du futur, de notre fille, de plein de choses. Et je pensais à cet homme. Et s'il il m'avait draguée, j'aurais tout quitté pour lui. Ouais. Donc, je t'aurais abandonnée. Et je n'avais rien à foutre de toi en ce moment-là. C'est ça. Et après, de vraiment un instant. Quoi. Un ça détail, dure, quoi. Ouais. Et après, lui, il est parti de l'hôtel et j'étais soulagée qu'il ne soit plus là parce que comme ça, j'avais plus ses doutes. Ouais. Et ces trucs-là... Et là, ça rentre dans le cerveau de Bill. Ça ne sortira plus jamais. Malade. Donc là, il n'est pas content. En plus, c'est un long monologue qu'elle a quand même. Ouais. Et elle raconte tout dans les moindres détails. Après, tout le film est quand même vachement basé sur ça, sur des longs moments très tendus, des tensions qui se mettent de plus en plus fortes, notamment cette scène-là. Coup d'appel au téléphone, donc c'est Tom Cruise qui répond, c'est un patient, quoi, un énième patient hyper riche qui est mort. Et du coup, il doit aller à la maison pour faire présence. C'est pas lui qui appelle, hein, parce que là, comme tu l'as dit, c'est le patient mort qui a appelé, c'est bizarre. C'est la fille d'un patient super riche qu'il avait, qu'elle lui annonce qu'il est mort et du coup, s'il pouvait venir à la maison. Donc, il va à la maison. À minuit, hein, un truc comme minuit. Ça. Minuit. Bah, de toute façon, il s'est fait toujours appeler en milieu de la nuit, j'ai l'impression. Ouais. Il rencontre la fille, une très belle femme, qui est au bord des larmes, qui lui dit « Ah, il est mort, machin truc ». Et que du coup, Tom Cruise, il regarde le monsieur, il dit « Oui, il est mort ». Il fait bien son boulot, après. Et... elle lui dit, vous savez, moi, je vais me marier avec Carl. Vous l'avez connu, c'est un prof. Prof de maths, on va dans le Michigan. Voilà. Parce qu'apparemment, elle n'a pas l'air d'être... Et elle n'est pas contente. Le projet de vie le plus kiffant, d'aller dans le Michigan avec un prof de maths. On ne sait pas si elle pleure pour le père mort ou pour ça. Très bizarre. Et elle lui dit, mais vous savez, moi, je vous aime. J'ai envie d'être avec vous. Elle embrasse. Et je vais être avec vous. Et... passons cette nuit ensemble et on n'en reparle plus, tu vois, même si je pars au Michigan. Je préfère rester ici que partir au Michigan, oui, même si vous ne m'aimez pas. En tout c'est cas ça, oui. Elle veut, tant qu'elle est à côté de lui, enfin, c'est très bizarre. Elle est heureuse. Ding dong, c'est qui? C'est le Carl, le professeur de maths qui arrive, qui débarque. Tom Cruise dit, j'étais justement en train de partir. Tu veux dire un truc? Ouais, j'ai une anecdote, je la profite. Ouais, le prof de maths, le mec qui joue Carl, il est né le même jour exactement que Tom Cruise. C'est cadeau. Et il n'a pas déjà joué avec Tom Cruise, d'ailleurs, je me demande. Ouais, je ne suis plus dans le cas, mais je crois que j'ai déjà sorti cette anecdote. Ouais. Il me semble qu'on l'avait déjà vu. Et donc, les profs de maths arrivent. Tom Cruise dit, justement, j'étais en train de partir. Et il répare, il est un peu secoué aussi de cette... rencontre avec cette femme qui s'appelle Marine, comme par hasard, officier marin. Marine. La nana Marine. Oui, et c'est encore un espèce de truc qui ne va pas au bout, mais il y a un petit encore une tentation. Il part à pied et il se balade dans une New York ancienne qui a été d'ailleurs reconstruite, je pense, en Angleterre, un truc comme ça. À Pinewood, tout à fait. Ouais. Et il part à pied, il y a des enseignes, des lumières de Noël, plein de trucs. Il rencontre un groupe de mecs qui les bousculent et qui commencent à les traiter des gros, pédales. Et il répare, il est un peu secoué de cette rencontre, il répare, il s'est fait draguer par une femme dans la rue, qui est hyper jeune, une jeune fille, qui lui dit « j'habite juste à côté, tu veux pas rentrer ?» En gros, on comprend que c'est une prostituée, quoi. Avec une énorme porte rouge. Ouais. Symbolique du rouge, la tentation. Je pense que si des fois on n'a pas compris... C'est bien souligné. Donc, il rentre dans l'appartement de la fille, parce qu'il a envie. Il dit « il faut qu'on parle... » Arbre de Noël, quand même, sapin de Noël. Toujours. Petit appartement, mais sapin de Noël. Quand même. Appartement très petit, tout plein de bordel. En colocation. Voilà, elle a un coloc, elle part d'un coloc, mais qui ne reviendra pas. Donc, lui, il dit, il faut parler d'argent, combien? Elle dit 504 $. Qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, laisse-moi. Il s'embrasse. Donc, moment très érotique, il s'embrasse. Tring, coup de téléphone. C'est qui? C'est Alice, sa femme, Nicole Kidman, qui lui dit, mais ça te prendra toute la nuit, là? Et il lui dit, je dois encore, on attend encore des gens de la famille, machin, truc. Ok. Alice dit, ok, moi je vais me coucher. Ok, bonne nuit. Il se retrouve face à nouveau à la prostituée. Il dit, je me le sens pas. Je te paye quand même. La prostituée qui s'appelle Domino. Domino, tout à fait. Encore bien vu. Encore un truc très marrant. Et donc, il la paye quand même et il part. Et il se balade dans cette ville, encore une fois. Et il se retrouve où? Devant le Sonata Café. Et il dit, il voit l'affiche Yannick, donc les copains qu'il avait, les pianistes. Il rentre, il arrive juste à la fin du concert, pas de bol. Nick, il le voit, il dit « Ah, t'as réussi à venir ?» Il dit « Ah, désolé, je suis arrivé qu'à la fin. » Blablabla, on boit un coup, on parle. Et Nick dit « Oui, moi, je viens ici pour bosser. Ma femme, j'ai 4 gamins et une femme à Seattle. Mais je suis à New York pour travailler. Et je travaille n'importe quand, n'importe où. Ah bon ? Ben oui, même ce soir, à 2h du matin, je dois jouer. » Mais en fait, je ne sais pas où c'est et je reçois toujours les informations à la dernière minute. Ah ouais, bizarre, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il dit, bah, en fait, je joue les yeux bandés. Mm. Ah bon, tu ne vois pas ? Il dit, ben non. Et là, c'est quand je commence à la perversion. Ah bon ? Ah bon ? Et il dit, bah, en fait, la dernière fois, le bandeau était mal mis. Était mal mis, j'ai un peu vu. Je veux un truc de dingue, tu ne peux pas t'imaginer. Il y avait des femmes à poil de partout, les plus belles femmes du monde à poil. Et c'était incroyable, c'était les folies les plus grandes que j'ai jamais vues. Il dit, ah non, là, moi, je dois venir. C'est ça, encore la tentation. Encore une fois, Bill voilà. Est tenté par quelque chose. Coup d'appel, c'est les gens du truc qui lui disent, il note sur un papier Fidelio. Donc, attention, Fidelio, important. Fidelio. Et donc, Tom Cruise lui dit, oh bon, ça, c'est quoi ? C'est le mot de passe. C'est le mot de passe, ok, d'accord. Dis-moi où c'est. Il dit, non, c'est pas moyen, parce que s'il découvre que je t'ai dit, c'est la mort. Il dit, non, mais t'inquiète, je viens pas avec toi, ils sont pas. Et lui dit, bah, tu dois avoir un costume et un masque. Parce que tout le monde a un manteau. Une cape avec une capuche. Et un masque. Et un smoking. Et un smoking, bien sûr. Et tu vas aller trouver où, là? Maintenant, c'est trop tard. Tu vas aller dire, t'inquiète. J'ai mes entrées. OK. Il part chercher le costume. Il se retrouve dans un magasin qui s'appelle Rainbow. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, voilà. Vous voyez, ça y est, on y arrive. Le bout. Il connaissait les propriétaires, mais ça a changé des propriétaires. Les propriétaires lui disent, OK, je te fais rentrer avec beaucoup d'argent parce que Tom Cruise, toute la soirée, il dépense de la thune. J'ai pas compté, mais ça n'arrête pas. Des milliers de dollars. Ouais, c'est ça, à coût de 100 dollars. Donc, il cherche le masque et la cape. Il se retrouve dans les magasins, il se balade dans les magasins. À un moment, il y a un truc chelou. Il y a la jeune fille du propriétaire, mais genre jeune, 12 ans quoi. Je pense qu'elle a 14 ans. Très jeune, ouais. Qui est à poil avec deux mecs qui sont en train de faire des trucs avec elle. Les propriétaires, ils s'énervent. Ils enferment les deux mecs dans les trucs en disant « Je vais appeler la police, vous restez là, c'est mort. Et toi, dégage à la petite fille. » La petite fille, elle drague un peu Tom Cruise en passant. Un peu beaucoup. Très bizarre. Très chelou. Et Tom Cruise se répare avec son masque. Et son costume, tout va bien. Et tout va bien. Taxi. Il s'est fait parce que après, je ne dis pas tous les détails, mais entre-temps, on voit plein d'images. À chaque fois qu'il est un peu seul, Il imagine Nicole Kidman en train de baiser avec l'officier marin. Tout à fait. Dans des images noir et blanc, et c'est vraiment son fantasme. C'est ça. C'est et petit sa manière à petit, de voir ce truc-là. Les rêves, ils évoluent. On voit vraiment dès le début jusqu'à la fin, quoi. Oui. Et à chaque scène, bon, au tout début, il pense qu'elle est début, et après, petit à petit, il imagine tout. Donc, il prend un taxi, il se retrouve devant l'énorme baraque, encore plus grande que celle de M. Ziegler. Genre, là, on est. C'est dans une forêt, ça, je ne sais pas où ils ont été, dans New York, mais c'est une énorme forêt, un énorme domaine. C'est des ouf, et c'est une baraque, mais genre un château, encore pire qu'un château. Château anglais, d'ailleurs, en vrai. Ah, ben voilà, tu vois. Il est à l'entrée. Il demande au monsieur du taxi de l'attendre. Donc il lui dit je te donne 200 dollars s'il attend. Tu m'attends. Et il est à l'entrée. Il y a deux majordomes qui attendent à l'entrée. Mot de passe Fidelio. Ok, ouais. Vous pouvez rentrer. Cool. Très bien. Il met son masque, il met sa cape, il se retrouve face à un putain de cérémonie des ouf malades où il y a plein de gens. Donc, tout le monde a un masque, tout le monde a une cape. Et là, ça commence la folie. Là, c'est l'angoisse. Musique hyper angoissante, des chants marmonnés. Très bizarre. Tout le monde a déjà entendu sûrement. Oui, c'est très, très, très connu cette scène. Et en fait, il y a un monsieur avec un masque, les seuls avec une cape rouge, avec un bâton, entouré de, dans un cercle de personnes à genoux avec un masque, qu'on découvrira être des femmes, entouré d'une foule de gens avec cape et masque. Tout le monde le regarde. Bizarre. Il rentre. En fait, il y a cette cérémonie avec des lancers, des coups de bâton, des murmures, machin. Toutes les femmes enlèvent leur cape, donc elles gardent le masque et elles sont à poil, mais complètement à poil. Et notamment, il y en a une avec un gros chapeau plume. Oui. Donc on l'appellera femme plume. Femme plume. D'ici. Ok. C'est pour la repérer. Pour la repérer. Donc, cérémonie très, très longue. Au bout d'un moment, le monsieur en rouge tape devant une femme avec son coup de bâton. Donc, il fait « boum ». Et la femme, elle s'élève et elle choisit un homme de tous les hommes et femmes qui sont autour. Il choisit une personne, embrasse, mais avec les masques, donc masque sur masque, et part avec elle, avec lui ou avec ou elle. Ou avec elle, on ne sait pas. On ne sait pas. Femme plume, elle choisit Tom Cruise. Donc elle embrasse et commence à se balader dans un couloir. Et elle est directe, elle lui dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous appartenez pas ici, vous devez vous barrer parce que vous êtes en danger. Et il dit quoi? Non, mais pas du tout, moi je suis pas, pas du tout, un inconnu. Je ne suis pas Tom Cruise, non, non. Mais elle le sait, tu vois. Ouais. Comment est-ce qu'elle le sait? Bonne question. Bon, elle se fait prendre par un autre mec un masque, donc Tom Cruise, il continue de se balader, il décide d'ignorer complètement son truc. Et bah là, il navigue dans les labyrinthes du château, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a des énormes orgies de femmes à poil sur femmes à poil, hommes à poil sur femmes à poil, hommes à poil sur hommes à poil. Il y a à peu près tout. Tout le monde a toujours le masque. Tout, voilà, les masques qui restent. Il y a des gens qui y font, il y a des gens qui matent, c'est partout, sur la commode, enfin, partout. Sur le tapis. Il y a des gens qui dansent, juste poil, ouais, par à poil. Très, très chelou, ambiance chelou, avec une toujours musique. Ouais, très planant. Bizarre. On a déjà vu que quelques gens, déjà en masque, tu vois, il y a beaucoup de gros plans sur les masques, qui ont repéré Tom Cruise, qui le regardent, qui lui font des petits signes de la tête. Et une femme, elle est envoyée chez lui par un autre homme masqué, qui a commencé à lui dire, ah, vous voulez qu'on aille dans un endroit plus discret. Et femme plume revient et dit, non, non, je prends, je m'en occupe. Et elle lui dit, mais je t'avais dit de partir, tu dois partir, tu mets en danger ta vie là. Et lui dit, mais qui es-tu? Tu peux enlever ton masque? Elle dit, non, non, non, surtout pas, je ne veux pas risquer ma vie non plus. Donc, dégage. S'il te plaît. S'il te plaît. Et trois fois déjà. Ouais. Tom Cruise dit, je ne sais pas. Il y a le majordome qui a un masque doré qui lui dit, ah, vous êtes le monsieur du taxi. C'est qui la 106 mal garée dehors? Le monsieur du taxi veut vous parler très urgentement. Ok, d'accord, je vous suis. Il le suit. Se retrouve face à l'homme en rouge avec sa cape, son masque doré, avec son bâton, assis sur un trône, avec deux gardes du corps à côté, toujours masqués avec cape violette, entouré de tout le monde avec les capes noires. Et lui dit... Là, c'est le conseil de discipline. Voilà, là, c'est chaud. Tu es dans la merde. Et là, il lui dit, bon, ben... vous avez les premiers mots vous avez les mots de passe Fidelio, oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez les deuxièmes mots de passe les deuxièmes mots de passe. Maintenant vous le dites, ça me revient pas. J'ai oublié, je l'ai, mais et le mec il dit, eh ben les premiers mots de passe c'était pour l'entrée, mais les deuxièmes pas pour la maison, pas pour la soirée, tu vois. On voit en même temps que Nick, donc le pianiste, avec les yeux bandés, il vient escorté par des gens. Donc, ça craint un peu. Et il lui dit, le monsieur en rouge, il dit, enlevez votre masque. Donc, il enlève son masque. Enlevez vos vêtements. Il lui dit, non, les vêtements. Alors, le masque, déjà, c'est limite. Là, il est trop mal. Et il dit, si, vous les enlevez, on vous les enlève. Là, c'est la punition. Il y a la femme plume qui arrive derrière et dit « Stop ! Arrêtez tout !» En haut du balcon. Je vais le racheter. Oui. Donc, c'est la regarde, ça veut dire quoi? Tu vois, il demande qu'est-ce que vous allez lui faire. Il dit « Bon, vous avez gagné votre liberté. Ici, quand quelqu'un dit qu'il va faire un truc, il va le faire. Dégagez. » Vous n'avez rien vu, oubliez tout, vous repartez. Oubliez tout. Angoisse. Ok. Il répare. Il retourne à la maison, il cache son costume avec les masques dans un placard et il retrouve Alice au lit qui est en train de rêver et de rigoler dans son rêve. Il la réveille parce qu'il a l'impression qu'elle fait un cauchemar. Elle se dit, oui, j'ai fait un cauchemar horrible. J'ai rêvé qu'on était dans une ville où tout le monde était à poil, où tu es parti chercher les vêtements. J'ai vu l'officier marin, encore lui. On a commencé à coucher. Il m'a rigolé au visage, mais on a commencé à coucher ensemble. Et après, j'ai couché avec tous les mecs. Et je faisais beaucoup de bruit en rigolant pour t'humilier, pour que tu me vois. Bonne ambiance. Ok, sympa. Super, merci. Ok, bon, tristesse. Il dort, je crois. Petit dodo. Bon, dort. Le lendemain, il va chercher Nick, parce qu'il est très inquiet quand même de ce qui s'est passé. Oui. Donc il va au Sonata Café. Sonata Café fermé. Il va au bar à côté. Il dit, mais vous connaissez Nick? Oui, oui. Et il dort où? Il est dans tel hôtel. Il va dans l'hôtel. Il rencontre un mec, un concierge. Réceptionniste. Très sympathique, qui le drague à moitié. À mort, ouais. À mort. et qui lui dit en gros, ben oui, Nick, il est parti, il a fait les check-out, il est venu avec deux mecs hier soir à 4h du matin. Donc, et on sait que Tom Cruise, il est rentré chez Alice dans à 4h du matin. Et qu'il est accompagné par deux mecs. Il avait un bleu. Un œil au beurre noir, ouais. Et en fait, les deux mecs qui sont occupés de lui, lui ont fait faire les check-out. Ils ont dit toutes les lettres qui étaient envoyées à Nick, il les récupérait. Ouh, mystère. il va redonner les costumes au Rainbow machin. Oui. Il se rend compte qu'il n'y a plus le masque. Il n'y a que la cape, les chaussures, oui. Les machins. Bizarre. Mais le bon. Mec, il dit OK, tu okay, payes. Tu payes. Il découvre que la fille, elle sort. Ouais, la fille du mec des costumes. Voilà. Elle est encore là avec les deux mêmes mecs. Elle est encore là avec les deux mêmes mecs qui lui disent « Ah, on parlera après de l'argent. » Et on comprend que le patron, il a fait de sa fille une prostituée. Et que la fille, bon, ça va. Ça a Tom Cruise lui dit « Mais du coup, il n'y avait pas la police qui devait venir. » Non, mais c'est bon. Et en gros, le patron lui sous-entend « Mais tout peut s'arranger, il n'y a pas de souci. » Genre, il tient sa fille en lui disant « Mais si tu veux, tu peux. » C'est parti, quoi. Voilà. Attention. Angoisse. Angoisse, ouais. Il retourne dans la maison. Bah, entre-temps, il repense encore au rêve de ça. L'officier avec Nicole. Il retourne au château où il y avait la soirée Fidelio. Un mec débarque en voiture de l'autre côté du portail, donc de l'intérieur de la maison. Il lui tend une lettre avec écrit. Avec son nom. Le deuxième avertissement, ne venez plus nous casser les couilles. Ouais, oh. Arrêtez d'enquêter. Et en plus, le truc est à son nom. Oui, à son nom, ils savent très bien qui il est. Okay. Il repense au rêve encore. Qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle Marine, donc la fille du début qu'il avait draguée. Son père qui est mort. Voilà. Et il tombe sur Carl, le prof de maths. Donc, il raccroche. Il ne peut pas aller avec elle. Il va chercher Domino, la prostituée, machin. Il tombe sur sa coloc qui s'appelle Sally, qui dit « Ah, vous êtes Bill de hier soir. » Elle était trop contente. Elle commence à les draguer, commence presque à s'embrasser, mais elle dit « Non, mais attendez, je dois vous dire un truc. Si vous avez passé la nuit hier soir avec Domino, il faut que vous sachiez qu'elle a été positive de... » Au VIH. Ah, okay. Ouf. Bon, je repars. Je repars. Il repart à pied dans la ville de New York. Noël. Un homme le suit. Il est très inquiété parce que ces hommes le suivent de plus en plus. Il essaie de choper un taxi, il ne le trouve pas. Il achète un journal avec écrit « Lucky to be alive ». Chanceux d'être en vie. Ah oui, c'est vrai. Pas mal. Il va dans un café pour rester avec les gens. Il ouvre les journaux et voit une nouvelle d'une femme prostituée. Non, une ex-femme de beauté. Une ex-modèle. Mannequin de beauté. Là. Une ex-reine de beauté. Reine de beauté, voilà. Qui est morte. Qui est morte d'overdose. Il y a les noms. Il va à l'hôpital pour parler de cette femme qui s'appelle Amanda Curran. Il dit « Je suis le médecin d'Amanda Curran ». Il fait ça avec tout le monde. Partout où il passe avec sa carte, il dit « Je suis médecin ». C'est et bon, ça après. Passe à chaque fois. C'est bizarre. Et elle dit « Ah, mais elle est morte ». Il va à la morgue, il voit les cadavres et il entend la voix de la femme plume. Il est convaincu que c'est la femme plume qui l'a sauvée. Oui. Coup d'appel, c'est qui ce monsieur Ziegler ? Donc, monsieur Ziegler, qui l'a fait venir chez lui, lui dit « Je dois te dire un truc ». Il dit « Vas-y, je suis ton médecin, tu peux tout me dire ». Mais non, c'est par rapport à hier soir. Je sais ce qui est arrivé. J'étais là, j'étais vu, mais je pense que j'étais fait suivre par la suite. C'est donc ça. Il y a des gens qui t'ont suivi pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que tu as un peu halluciné sur ce qui est en train de se passer. Nick, il est retourné à Seattle. Il est en train de baiser sa femme. T'inquiète, il n'est pas mort. Et puis femme plume. Mandy, parce que c'est ça. Ah ben attends, parce qu'il lui a pas encore dit. Oui, c'est ça. Femme plume, elle était une prostituée. Elle t'a racheté, mais il lui a rien arrivé qu'il n'était pas arrivé avant. Donc elle ça va. Il lui dit oui, mais est-ce que c'était Amanda Curran, cette fille qu'il avait? Il lui a dit oui. Est-ce que c'était la même femme que la soirée? Donc Mandy qui était. Qui a fait une overdose au tout début du film. Il lui dit oui. Mais elle est morte parce que c'était une junkie, toi-même, tu lui as dit. Oh, okay. Bizarre. Chelou quand même. Ok, donc il s'énerve un peu, monsieur Ziegler. Tom Cruise se répare, il va voir Nicole Kidman qui dort dans son lit. Il y a le masque posé sur l'oreiller, là où doit dormir Tom Cruise. Bizarre. Avec Nicole Kidman qui dort à côté. Et là, il craque. Il tombe en pleurs. Il chiale comme un gamin. Il dit, je vais tout te raconter. Nicole se réveille. On se retrouve, on comprend que c'est tous les matins. Nicole Kidman assise sur un canapé, les yeux pleins de larmes, une clope à la main. Silence. Tom Cruise, il pleure aussi face à elle et il commence à parler de leur fille. Ah oui, aujourd'hui, on doit amener notre fille au truc. Mais tu vois qu'en fait, il s'est passé plein de choses au milieu. Bah, il a tout raconté. Enfin, il y a machin. Ils partent faire du shopping avec la fille, la petite Hélène. Scène, du coup, plein, les gros magasins américains avec plein de cadeaux de partout, des gamins de partout. Et entrecoupé entre les scènes avec la fille, ah, je fais ça pour papa Noël, et eux deux qui disent, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Et en gros, Nicole Kidman a dit, je pense qu'on doit être reconnaissant parce que soit c'est. Parce que même si c'était juste un rêve ou c'était juste une nuit, on a réussi à rester encore ensemble. Et voilà, je pense qu'on devrait être reconnaissant. Et peut-être cette nuit, elle était plus importante que toutes les nuits de ta vie. Et mon rêve était plus important que tous les rêves de ma vie. Mais on est encore ensemble. Et je pense qu'on doit faire une chose très importante. Quoi ? Baiser. Et là, noir. Dernier mot, fuck. Et bam, en gros, Eyes Wide Shut, Kubrick, etc. Voilà. Balèze, parce que c'est dense. Ouais, c'est méga dense. Ah bah, tu peux boire un coup du coup. Donc Serena boit, elle boit encore, elle boit beaucoup parce que là. Ah, j'ai plus de salive là. Très très dense. Très bien. Du coup, qu'est-ce que t'as pensé de ce film ? Ah. C'est pas facile, hein. Wow. Ouais. Alors, je pensais plusieurs choses. Déjà, trop belle lumière. Putain, j'ai trop kiffé. Ça, c'est ouf. Les couleurs, les trucs. Mais même, bon, après, on commence déjà sur les anecdotes, parce que là, après, tu rentres dans les trucs. Mais qu'il a fait fabriquer une pellicule. C'était une pellicule qui était plus vendue par Kodak, qu'ils ont refait fabriquer. Et en effet, t'as un grain trop ouf, quoi. Hein. C'est trop un charme dingue. Et après, ils ont vachement bossé les lumières sur beaucoup de lumières naturelles, enfin de sources directes. Ouais, très contrasté. Du coup, qu'ils ont mis à fond le développement pour que ce soit hyper saturé, donc toutes les couleurs, les sapins de Noël. C'est génial. Moi, j'adore. C'est une esthétique et c'est un parti pris qui est impressionnant. Ouais, surtout. Ouais, je sais pas, y a un truc qui est à kitsch des arbres de Noël, mais là, c'est tellement magnifique. T'es là, waouh, mais ils ont réussi à faire ça, quoi. Ça rajoute sur le trouble, quoi. Ça te met dans une ambiance où, effectivement, tu sais pas, c'est vrai, c'est faux. Enfin, ils ont tellement poussé le potard que tu te dis, tout a l'air faux. Tu sais jamais. Ouais. Les nuits américaines qu'il y a sont impressionnantes. Enfin, quand t'as la lune dehors, c'est un bleu électrique dans toute la maison. C'est génial. C'est trop bien. Ouais. Moi, ça, j'ai trop kiffé. Après, un prorata, nichon, minutage, assez incroyable. Ça, putain, t'en as à l'appel. Et au bout d'un moment, en fait, ça devient tellement normal. Ah ouais, c'est que quand il a les discussions avec Femme Plume et elle est complètement à poil, tu vois, tu réalises même pas. C'est passé à côté. Toutes les scènes. Overdose de nichon fait que plus de nichon. Et ouais, toutes les scènes avec les masques, ça passe hyper longtemps, tu vois, avec les masques. Donc t'as zéro expression. Et putain, ça marche trop bien. T'as une tension des ouf, tu vois, tout ce qui vit. Ah, trop bien. Et après, moi j'aime bien quand même. Moi j'aime bien toutes les scènes aussi entre eux, leurs discussions, tous les délires, jalousie, rêve. C'est pas un rêve, c'est un rêve. Parce que pas juste les rêves d'elle, mais même la nuit qui passe, t'as l'impression que c'est un rêve un peu. Tu te mets à douter de tout, hein, de toute façon. Ouais, c'est trop génial. Une maîtrise dans tout le film est maîtrisée vraiment sur ça, sur. Ce qu'on se disait, si tu prends le résumé juste, bon bah voilà, il se passe ça, les scènes sont très découpées et très claires. Ouais. Et surtout, il y a ce truc où la scène avec la prostituée, il va revenir après. Oui, enfin, voilà, tout est réglé comme ça. Réglé, ouais. Mais tout est mis en scène de telle manière que tu es en tension permanente sur chaque élément. Et tu sais pas qu'est-ce qui se passe en fait. C'est ça. Et tu peux pas savoir en fait. Tout est comme ça. Tout est calculé pour ça. Tout est mis en scène. Vraiment, tout est une énorme mise en scène et ça se voit que c'est une mise en scène en fait, exprès. Ouais. C'est assez bluffant quoi. Dans son travail. Donc c'est le dernier film de Kubrick quand même. Oui. Faut le dire. Il est mort du coup quelques jours après avoir donné le premier visionnage du montage en fait. C'est quand même ouf quoi. Il est mort 6 jours après d'une crise cardiaque qui était assez soudaine parce qu'il n'avait pas de problème de santé particulier. C'était une crise cardiaque juste 6 jours après le premier montage. Il restait encore un peu de montage, de temps de montage, mais pas tant que ça. Et c'était a priori la version qu'il allait présenter. Il l'a présenté au producteur et à Nicole Kidman et Tom Cruise. Ouais. On dit que c'est le film qui l'a tué. Bon. Après, il y a tellement de choses. Il y a tellement de fantasmes. C'est marrant parce que c'est quand même un film sur le fantasme aussi. Oui. Et qui, même après sa sortie, suscite énormément de fantasmes et de. Bah, tout est tellement maîtrisé qu'en fait, chaque détail, en fait, tu deviens obsessionnel par rapport à chaque détail et tu dis pourquoi il a mis ça? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Pourquoi ce masque-là? Pourquoi cette personne-là? En fait, ça te rend dingue, tu veux tout savoir. Mais en fait, peut-être il n'y a pas de, il n'y a pas d'explication. Les sapins de Noël, au bout du troisième, tu commences à péter un câble. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça. Et après, de toute façon, tu vois, sur YouTube, il y a des tonnes et des tonnes de suranalyses de ça. Est-ce qu'il faut tout? Non. Moi, c'est ça, à la limite, je dis, mais je sais pas, en fait, il faut tout analyser. Mais par contre, dans l'ambiance, dans le truc, dans la tension dans laquelle ça te met, ouais, c'est énorme. Parce que là, pour l'instant, t'as l'impression, quand tu le regardes, que tout, t'as un intérêt. Le moindre truc. Du coup, ça te met en tension et tu es, et pour la peine, enfin, c'est ça qui est brillant, je trouve, avec ce film, c'est que bah, la position de Tom Cruise qui est entre de la parano, de la tentation, du machin, bah, toi, t'es pareil, en fait, sur un truc où tu sais pas sur quoi tu marches, tu sais pas ce que tu vois. Ouais, tu sais pas ce que tu peux pas analyser. Tu veux tout analyser, mais tu sais pas, tu ressens un truc qui est fort, une tension qui est très forte. Sur le timing aussi, sur la gestion du temps, les scènes très longues, très étirées qui te mettent vraiment en tension, ça marche. Enfin, c'est très en plus, c'est pas du tout ennuyant, tu vois. T'as des scènes hyper longues, ça s'est fait peut-être pas tant que ça au cinéma. Les énormes monologues où elle raconte ses rêves, et là, tu es là, tu dis non, mais il y a un truc tellement puissant. Ouais. Là, t'es accroché quand même. Tu dis, mais non, mais pourquoi elle dit ça alors que c'est juste un rêve, tu vois. Mais elle le dit d'une façon tellement poignante. Bon, ouais, je sais pas, c'est hyper... C'est impressionnant. Hein. C'est très impressionnant. Après, ouais. C'est comme beaucoup de films de Kubrick. C'est très difficile à qualifier. Oui. Ils sont toujours très complexes et ultra maîtrisés. Après, c'est un malade mental. C'est un malade, ouais. Parce qu'il a une obsession de la précision qui est folle. Ouais, Mais là, sur ce film-là, comme en plus ça traite un peu de ça, je pense que ça ressort encore plus parce que ça traite de l'obsession un peu, quoi. Enfin, de la jalousie, de la tentation, du fantasme, de l'obsession. C'est un peu sur ces trucs-là... de la manipulation aussi vachement quand même, parce que tout le travail de quand Ziegler à la fin lui explique tout, il explique une manipulation, tout un complot, quoi. Mais est-ce quelle que mesure c'est, vrai, c'est vraiment est-ce que c'est ça pas ou vrai. Pas est-ce que c'est très bizarre en fait. Tu crois quand Ziegler il a dit mais tu te branles sur un truc qui n'existe pas, ça c'était une grosse mise en scène en fait pour te faire peur et que tu t'en parles à personne et tout, tu fantasmes sur un truc qui n'existe pas, mais en fait même toi en tant que spectateur t'as trop fantasmé sur ça et tu peux pas lâcher, c'est ça. Et du coup tu te dis mais non, en fait c'est là qu'il est en train de mentir, ouais, pas avant. Et tu en sais fait, plus en tu fait tu sais plus. Ah ben c'est... après bonne grosse nuit de merde hein, pour Bill Arfond. Bah, en même c'est temps, la nuit la plus incroyable dingue. De sa vie, quand même. C'est un truc de ouf. Et il arrête jamais en plus, parce que tout le truc où à chaque fois, ça démarre avec où il va voir le patient qui est décédé. Ouais. Déjà, il y a le truc hyper chelou de la femme qui l'embrasse et qui lui dit qu'elle l'aime. Tu dis, ok, tu pourrais dire j'arrête, je rentre à la maison, on arrête. Mais il continue toujours. Il y a toujours cette tentation d'aller un petit peu plus loin. Ouais. Et à chaque fois, un truc toujours bizarre qui s'arrête avant que ce soit grave. Toutes les scènes sont comme ça, ça s'arrête avant que ce soit grave, mais il continue un peu à chercher et il se perd encore plus dans ce truc là, quoi. Mais ça s'arrête jamais parce que lui il arrête. Ah oui, ça non, s'arrête mais... toujours parce qu'elle est interrompue. Il y a toujours donc il est toujours il voudrait, mais il arrive jamais à faire ce qu'il voudrait faire. C'est quand même dingue, quoi. C'est un peu pour moi, c'est un peu le truc du qui dit le mariage, c'est un peu ça, tu vois. Ouais. Et tous les deux, mais même Nicole Kidman, toute la première scène de la drague avec ce monsieur hongrois, elle a trop. Tu les vois, ils sont vraiment à 2 mm bouche. Et après, elle dit non, mais je suis mariée, je me casse. Alors elle qu'elle qui voudrait arrête. Trop. Tu vois, par rapport à Tom Cruise, Tom Cruise, c'est lui qui est interrompu à chaque fois, que là, c'est elle qui arrête. Oui. Mais le seul moment où c'est Tom Cruise qui arrête le truc, c'est à la fin, quand vraiment il se met à pleurer et dire je vais tout te raconter. Oui. Le seul moment où, en gros, il met fin à son cauchemar. Enfin, il dit ok, c'est bon, là, je me réveille, j'arrête et on. Je sais pas si ça résout, parce qu'après il a l'air quand même méga trauma. Toutes les scènes après, il reste une ou deux scènes, mais il a l'air, il est perdu, quoi. Il est chien battu. C'est ouf. Ouais. C'est assez. Après, c'est hyper perturbateur, quoi. Moi, je trouve que c'est hyper perturbateur comme film. Tu vois, même, je me demande, aux États-Unis, un film avec Nicole Kidman et Tom Cruise, qui a même été marié à l'époque. Ouais. Tout le monde s'attendait, ou à peu près tout le monde est à poil. À l'époque, quand même, il y en a 90, autant de gens à poil, c'est pas non plus anodin. Et que ça parle de tromperie tous les longs, où ils sont méga obsédés par les mariages sacrés, il faut pas tromper. À chaque fois, quelqu'un qui trompe, c'est un personnage très négatif. Putain, Google qu'il arrive. Ouais. Mais après, il a galéré un petit peu, parce que pour rester dans la classification rated R ou un truc comme ça, il a fallu que la version américaine, ils ont mis des trucs en numérique pour qu'il y ait des personnages qui passent devant les scènes de sexe, tu vois. Des trucs, tu dis, mais c'est complètement. Du coup, ça casse tout le rythme, quoi. Tu dis, c'est bizarre. Mais c'est très ouais, c'est très marrant quand même ce truc. Et après il utilise aussi le fait d'avoir Nicole Kidman et Tom Cruise en fait. Ah mais grave. Parce que là c'est quand même tout le postulat, c'est ça quoi. C'est il choisit au final, après avoir réfléchi à plein de trucs, il choisit Tom Cruise, Nicole Kidman, il leur fait signer un contrat qui n'a pas de fin. Où clairement, ils mettent du temps à négocier tout ça parce que Nicole Kidman ne veut pas tourner avec Tom Cruise, enfin machin. Ouais. Et il signe un contrat où, en gros, la fin du contrat, c'est quand Kubrick le dit. Et sauf que le tournage dure 18 mois, un truc comme ça, 15, entre 15 et 18 mois. Ouais, mais je ne pense pas qu'il y ait avec eux. Si. Après, Tom Cruise, il est quasiment sur tous les plans. Donc en fait, ouais, il y était beaucoup. Donc ils doivent déménager à Londres parce que il s'est tourné à Londres parce que Kubrick a part en avion. Donc il dit, oh, on fait ça à Londres. Donc on reconstruit New York. Donc en fait, les techniciens, ils faisaient des allers-retours à New York pour mesurer les rues, pour etc. Les seuls vrais plans de New York qu'il y a, c'est quand il est en voiture et qu'ils sont incrustés derrière. Mais c'est tout. Sinon, tout est, tout est en toc. Et après, t'as deux rues, hein, de toute façon. Oui, oui. Et sur le truc, mais c'est deux rues. Il prend toujours la même. Donc, ils sont. Il fait venir donc, Kidman et Cruise. Ils sont Keblo pendant un an et demi à Londres. Ils vivent à Londres. À tel point que leurs enfants à l'époque, ils sont tout petits, ils prennent l'accent anglais. Non, mais c'est ouf. C'est complètement dingue. Et en plus, c'est l'effet de ne pas savoir la fin. Tu te dis, bah, ça va durer trois mois. Non, ça dure quatre mois. Non, ça dure cinq mois. Non, ça dure 18 mois. C'est énorme. Là, je lisais, il y a. La scène de, avec Domino, cette scène-là, normalement, parce que sur le planning, c'était prévu qu'elle prenne deux semaines à être tournée, pour que ce soit déjà. Voilà. Elle a duré deux mois. Ça a fait deux mois de tournage pour cette scène-là. Ouais. Et après, ça a été à tel point qu'en fait, à la base, Ziegler, c'était, là, c'est Sidney Pollack qui joue, ça devait être Harvey Keitel qui jouait. Il y a deux rôles comme ça, qui, en fait, le tournage continue tellement qu'ils ont dit bah non, on a d'autres engagements. Et du coup, il change les comédiens aussi en cours de route, du coup, à cause de ça. Et Tom Cruise, il a d'ailleurs abandonné quelques films. Il a retardé le Mission Impossible 2. Ouais, voilà, c'est ça, les Missions Impossibles. Nicole Kidman aussi a retardé Les Ensorceleuses. Elle le retarde pareil. Enfin, c'est ouf. C'est impressionnant. Et, mais en même temps, ça fait partie du truc. Presque dans le processus de création de Kubrick, ça fait partie de la chose de dire, vous êtes là tous les deux et vous bougez pas, quoi. Et il leur fait venir. Alors après, il y a le mythe, ou plus ou moins vrai, il fait venir des thérapeutes qui leur fait une thérapie à Kidman et à Cruise, et il se sert de la thérapie pour l'injecter dans le film, etc. Il écoute, il écoutait quoi. Ça, après, c'est craint, quand même. Toutes les scènes que Bill Harford fantasme avec sa femme, avec le marine, et ben ces scènes-là, donc, qui sont érotiques, elles sont tournées donc, avec Nicole Kidman. Tom Cruise n'est pas sur le plateau. Nicole Kidman n'a pas le droit du tout de parler. Par contre, il sait très bien ce qu'ils vont tourner. Oui, il dit ça, à Tom Cruise tout ce qu'il va tourner. Il ne voit pas le plateau. Il n'a pas le droit d'en parler. Kidman n'a pas le droit de lui en parler. Il le met sous pression. En fait, il fait en sorte qu'il ressente cette jalousie et qu'en fait, ces fantasmes-là existent vraiment dans leur vie des couples. C'est quand ouf, même, c'est quand même pervers, moi, je trouve. C'est parce ultra que pervers. T'en as pas forcément besoin tant que ça. Après. Et alors après, Tom Cruise avait dit dans une interview que ça a été bon, c'était très difficile, mais que il fallait absolument qu'il le fasse. En fait, il s'en serait voulu s'il avait pas tourné ce film, alors qu'il savait que ça allait être très compliqué. Ouais. Et que, tu comprends. Du coup, tu vois, pour la suite, au niveau trauma, après, ceci dit, sur le plateau, ensuite, ça donne un truc, quoi. Le trauma, grave, tu le vois. Ah bah ouais, grave. Hein. Mais ils sont. Non, mais c'est trop. Pardon, on pourrait en parler pendant trois ans, ça va durer énormément, mais ça fout. Ouais, c'est trop fou, quoi. Du coup, on n'a pas fait l'extrait parce qu'on a trop dévié, etc. Mais mais c'est. Après, en plus, les extraits sont compliqués. On a du mal à trouver les extraits parce qu'ils sont très longs et c'est très. C'est très visuel, en fait. Tu peux pas trop non plus commenter. Non, c'est dur. Du coup, voilà, on prend plus de temps, on fait pas l'extrait. Mais c'est, voilà. Ouais, c'est ouf. Et je me demandais aussi à quel point ils sont servis les uns des autres. Ouais. Tu vois, je pense que Tom Cruise et Nicole Kidman, ils avaient vraiment besoin De travailler avec Kubrick, quoi, qui était quand même le réalisateur du moment, et l'ont fait juste à temps, disons, mais à quel point Kubrick aussi il a profité d'eux et qu'il avait besoin de le couple star pour pouvoir marcher là-dessous aussi. De toute façon, c'est clairement, il l'a dit, c'est que pour la production d'avoir ce couple là, il savait que son film au moins il était vendu déjà. Donc c'est déjà ça, c'est pervers, et en plus c'est un couple star. Ils se servent et ils savent que ça va pas bien entre eux en ce moment là, parce que c'est les rumeurs de partout que le couple commence à battre de l'aile, quoi. Alors qu'ils se disent, c'est du pain béni, quoi. Et d'ailleurs, après, et après ça n'a pas duré longtemps, après. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est impressionnant. Putain, c'est ouf. Et après, tu vois, dans le genre, pareil, de les avoir mis à Londres, je disais une anecdote qui était un peu tout con, mais en fait, tu dis, ouais, ça fait bizarre, c'est que Tom Cruise, à un moment à Londres, il va louer des vidéos au vidéoclub, et il rentre dans le vidéoclub, et les mecs lui disent, bah, il nous faut deux cartes d'identité pour prouver, pour qu'on puisse... C'est Tom Cruise, quand même, tu vois. Donc le Pourquoi mec... Parce que c'est la politique de la maison, tu loues des vidéos, tu dois donner deux cartes d'identité pour pouvoir la prendre. Quoi. Alors que le mec, c'est Tom Cruise, qui a, il a sa photo en 4x5 dans clair. Le magasin, etc. Donc lui, il a dit très pro, il a dit non, mais c'est leur boulot, mais tu te dis, putain, en fait, tout est hostile. Quoi. Il est à Londres, et c'est pas sa ville, il est sous pression, il est tout le temps sur le tournage, parce qu'il est dans tous les plans. Ouais. Mais les trucs un peu chelous, bah, on lui dit non, par contre, ça, tu vas pas voir, parce que c'est ta femme qui va être nue avec un mec en train de faire la chose. Ça doit être et pendant un an et demi, quoi. C'est énormissime. C'est énorme. Et d'ailleurs, moi, j'ai vu une petite anecdote qui m'a beaucoup perturbée, mais je ne sais pas si tu le sais ou pas, du caméo de Stanley Kubrick. Mais moi, j'avais lu qu'il était dans le bar, dans le Sonata Café. Oui. Derrière, là où s'assoit Tom Cruise, il est juste un peu plus loin. Bah, en fait, il y a Nick, donc le pianiste. Quand il se retrouve à la table, les pianistes et Tom Cruise, il y a derrière eux, il y a Stanley Kubrick, mais vraiment, tu le vois à peine, quoi, avec une femme. Et Stanley Kubrick, il est habillé avec un blazer gris exactement comme Nick. Et Nick, à un moment, il lui passe devant. Et après, la femme, elle est habillée en noir, et comme le noir de Tom Cruise. Et Tom Cruise, à un moment, il lui passe devant. Il y a un fantasme autour de ces détails. C'est ouf. C'est ouf, parce que tu t'es dit, mais Stanley Kubrick, il ne s'aimait pas... Je veux dire, il ne se met pas sur un shot comme ça pour la blague, tu vois. Non, c'est qu'il a mis un symbole derrière qui est assez puissante. Et en fait, Stanley Kubrick, il regarde Tom Cruise deux fois pendant cette scène, quoi. Mais qui dure 40 secondes, tu vois, ouais. Même pas, tu vois. Et du coup, c'est tous les soupçons de Stanley Kubrick. Il se retrouve comme Nick. Donc, il amène sa femme ou Tom Cruise dans l'univers de la tentation. En gros, il sous-entend un truc de malade. Quoi. J'ai trouvé ça. Il lui ouvre les portes au défi des lieux, tu vois. Ouais, mais après, c'est... Et après, c'est ça, tous ces trucs-là, enfin, toutes ces analyses sur les petits détails qu'il a mis partout. Non, mais les gens sont fous. Bah, tu deviens complètement dingue. Mais c'est ce qu'on dit, c'est le but recherché. Ouais. C'est qu'en fait, ce film, tu te dis, mais tout peut être analysé hyper loin. Mm. Alors que justement, c'est peut-être le but, c'est de dire, en fait, je vous mets mal, hein, parce qu'en fait, vous allez rentrer dans un cauchemar, vous n'allez pas en ressortir. Ouais, ouais. C'est un sacré pervers quand même, ce Stanley. C'est clair. Et c'est pas parce que c'était sur Shining qu'il a fait complètement vriller l'actrice. Quoi. L'actrice. Qui d'ailleurs, après, a pas trop. Enfin, a eu beaucoup de mal quand même. Ouais, je connais pas exactement l'histoire, mais je savais qu'elle était allée presque en HP. Quoi. Ouais. Alors, après, il y avait une autre anecdote qui était assez marrante que je lisais, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le film qui sont des réalisateurs. Il y a Sidney Pollack, il y a Alan Cumming qui fait le réceptionniste, il y a le mec qui joue Nick, c'est Todd Fields, c'est aussi un réalisateur. Ah ouais, Sidney Pollack, c'est Monsieur Ziegler quand même. Ça, c'est Monsieur Ziegler, c'est important. Ouais. Il y a le mec du magasin Rainbow, aussi un réalisateur croate, je crois. Délire. Donc c'est assez rigolo, tu te dis, c'est un réalisateur qui prend des réalisateurs pour faire l'acteur. Il y a un truc où... C'est, bah après, comme tout le monde le dit, c'est pareil, le côté son film se termine sur Fock. Il y a tout un truc d'emprise de Kubrick sur le cinéma aussi. Enfin, surtout, c'est assez... Et c'est les films numéro 13 ouais, c'est ça. Et en plus, le mec, il meurt et donc tu ne sauras jamais rien. Donc, c'est encore plus fou que fou, quoi. Après, voilà, là, c'est de la grosse théorie du complot, en France, hein, tu vois. Mais c'est vrai que ça te met vraiment... Tout est fait pour te mettre dans cette ambiance complètement dingue. Ouais. Mais c'est vrai que les plans, ils sont assez justifs aussi. Pour revenir un peu au film, c'est vrai qu'il fait des plans de ouf. On en parlait tout à l'heure, les travelling. Il fait des steadicam, il fait des mouvements de caméra. Et t'es là, waouh, mais c'est trop brillant, c'est trop génial. Alors que moi, d'habitude, je regarde pas trop ça, mais là, tu peux pas passer à côté, quoi. C'est tellement magique. C'est d'une efficacité. Enfin, le film, il fait 2h40, mais tout est d'une efficacité. Il n'y a rien qui est en trop, en fait. Ouais, par rapport à des films maintenant que tu fais à 2h40, tu te dis, ils ont quand même brodé ou machin. Ouais. Et où c'est mal filmé, tout est bien filmé, tout est hyper lisible, en fait. Tout est très, très clair. Et tout est super mystérieux aussi. Et tout est sûr. Mais c'est ça qui fait le truc, c'est que justement, tout est très mystérieux, mais tout est bien filmé pour que tu vois bien ce que c'est mystérieux. Ouais, c'est brillant. Hein. Trop brillant. Très brillant. Voilà. On va se faire un petit, une petite respiration Oscar. Oui, ça te c'est va. Bien. Allez. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. Eh ouais, parce que là, on a pris cher. Les Oscars, donc c'est notre petite rubrique où à chaque fois on raconte comment Tom Cruise dans tous ses films, il y a des gens qui ont des Oscars, mais lui il n'en a toujours pas. Ouais. Donc là, évidemment. Stanley Kubrick, il a eu un Oscar. Stanley Kubrick. J'étais là, je lui dis, ouais, il a eu un Oscar. Après, je fais, ah, c'est pas si évident. Non, c'est pas si évident. Il a eu 12 nominations aux Oscars. Wow. Ça compte 5 films seulement. Ah oui, ok. Tu vois, pas genre, sur tous il y a ces eu. Films. Non, pas tous. Full Metal Jacket. Full Metal Jacket, Shining, Doctor Strangelove, Shining, 2001, ouais. Et Orange Mécanique. Ah ouais. Je crois que c'est ces 5-là. Et il a eu qu'un seul Oscar. C'est pour les effets visuels sur 2001 Odyssée de l'espace. Mais non! Si. Donc sur Internet, il est attribué à Stanley Kubrick, alors que d'habitude, les effets spéciaux, souvent, c'est attribué à l'équipe technique, donc je sais pas. Et c'est le seul Oscar qu'il a. Mais c'est la honte, non? Je ne sais pas. Wow. Après, tu sais, il y a un truc, moi, je trouve, c'est que Kubrick, en gros, t'as le cinéma, tu vois, qui est dans une rangée où voilà, tu mets tous les films dedans. Et Stanley Kubrick, c'est comme si t'étais dans un monde de cinéma parallèle. Je crois que tous ces films, tu sais jamais où les mettre par rapport à quoi. C'est assez difficile à classifier. Ouais. Et même sa carrière, enfin tout est bizarre. Et en même temps, c'est une personne que je pense, tu veux jamais bosser avec lui parce qu'il t'est détruit. Ouais, et en même temps, un gros pervers, quoi. Et en même temps, putain de génie, c'est ça qui est énervant aussi. Bah, bien pour sa gueule qu'il a pas eu d'Oscar. Moi, je pense que c'est un fouté. Ouais, c'est ça. Après, bon bah Nicole Kidman, on l'avait déjà dit, mais elle a eu un Oscar plus tard pour The Hours. The Hours. Et Sidney Pollack aussi, qui en tant que réalisateur avait eu des Oscars pour Out of Africa. Qui d'ailleurs avait déjà fait la firme avec Tom Cruise. Tout à fait. Donc ils se connaissent un peu. Ouais, ils se connaissent. Et après, j'avais compté vite fait Frédéric Raphaël, le co-scénariste, qui avait eu un Oscar de scénario pour un film qui s'appelle Darling, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, les scénarios, on en a pas trop parlé, mais en fait, c'est tiré d'un bouquin quand même. Oui, de... c'est une adaptation de Tromno. Comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom. Alors, ça s'appelle soit La nuit rêvée. Ouais. Un truc comme ça, soit Double rêve. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs traductions en fait. Et puis c'est pas l'époque, c'est. Les années 20 viennent. Ouais, c'est ça. Mais en fait, l'histoire, moi j'ai un peu vu, du coup j'ai un peu regardé l'histoire du bouquin, c'est exactement la même quoi. Ah, c'est vraiment... Oui, après, j'avais commencé à lire un peu le comparatif entre la nouvelle et le film, et il tord un petit peu les trucs pour coller. Et là, c'est là que tu vois qu'il colle au personnage de Cruise et Kidman. Il décale un petit peu certaines scènes. Ouais, mais bon, c'est quand même... C'est fou. Bref. Ouais. Donc ça, c'était les Oscars. Très bien. Donc Tom Cruise, pas d'Oscar. Non. Et même pas de nomination, j'hallucine non, trop. Quoi. Ça, c'est ce film a eu zéro nomination aux Oscars. Ouais, il n'a pas eu une bonne réception. Non, a priori à Cannes non plus. Bah, après, si, il a eu une bonne... Enfin, il a été très bien reçu. C'est le film de l'année pour les Cahiers du cinéma, par exemple, qui est institution française des films d'auteur. Oui. Tu vois. Ah bon, mais j'ai pas trouvé beaucoup mieux finalement. Putain, mais tu vois, tous les comédiens qui font des trucs extrêmes, genre, mon Dieu, il a grossi de 20 kilos. Putain, bah ils là, ont passé ouais, 18 clair. Mois avec un mec complètement pervers, un couple avec leurs enfants et tout. Ouais. Oui, ça, c'est clair. Bon, c'est plus fort que DiCaprio qui fait The Revenant. Oui. Au froid. Oh, les pauvres. Ouais. Dans une peau d'ours. Oui, bah voilà. Pardon. Alors déjà, on a bâché Tom Hanks récemment. Ouais. Maintenant, c'est DiCaprio. Plus grand monde qui va nous écouter. Hein. Non, je l'aime bien, mais bon. Je crois que je l'aime pas, moi, DiCaprio. Ouais, on en reparlera à l'occasion. Si un jour, il tourne avec DiCaprio. Les sous-sous. Les sous-sous, beaucoup de sous-sous. Avec les tournages des oufs et tous Ça a coûté 65 millions. Ah, c'est pas énorme finalement. Bah, pour un tournage qui dure 18 mois, ouais. C'est pas énorme. Oui, après, il n'y a pas un énorme cast. Je pense que le plus cher, c'est Cruise et Kidman, clairement. Après, c'est la durée. Et c'est la durée, moi, c'est ça que je me dis, putain, garder 65 millions pour un truc qui tourne sur 18 mois, et puis après, avec le montage, la pré-prod, la post-prod, c'est hyper long. Ouais. Voilà. Ça a marché quand même. Ça a mené combien? Ça a rapporté 162 millions de dollars. Ah ouais. Sixième film, à plus des 100... Mais ça, c'est... Là, moi, j'étais le box-office mondial, donc je ne sais pas si aux États-Unis ça a marché aussi bien. Je n'ai pas autant vérifié. Okay. Mais voilà. Bon, encore un succès pour Tom Cruise. Et après, ça fait partie, tu vois, il y a beaucoup de... Genre Scorsese, pour lui, c'est le top 5 de ses films de tous les temps. Tu vois. Non, mais après, je pense qu'il y a des gens qui ont trop... Ah, mais tu dois, enfin, t'hallucines, je pense. T'hallucines. Ce film. Bref. Du coup, Tom Cruise, là-dedans, ah. Tom Cruise se bat, se débat au milieu de tout ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'ai trop kiffé son rôle. Parce que, en fait, je trouve qu'au début, dans la première soirée, tu vois trop Tom Cruise qui fait Tom Cruise. Il est presque décalé par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. Oui, tu vois, il fait des... il est un peu clair. À bloc, quoi. Et petit à petit, en fait, clac, clac, ça descend. Et j'avoue, ça fait... Au début, j'ai dit, oh mon Dieu, non, s'il va faire ça tout le long, c'est l'enfer. Ça dure pas très longtemps, quand même. Non, mais il y a deux scènes, vraiment, c'est un peu chaud quand même. Quand il drague les filles au début, c'est cringe. C'est, pour la peine, c'est bien utilisé, quoi. Si tu dis, mais grave. Okay, ça, c'est l'image, ça, c'est le Tom Cruise que vous connaissez, classique, que vous voulez. Bouge et pas. Après, boum. Il se fait démolir. Mais en plus, quand il pleure, ça fait trop du bien, quoi. Quand il pleure comme un bébé, là, tu sens qu'il pleure vraiment. À la fin, il est vraiment détruit. Il pleure vraiment. Toute la scène avec les masques. Alors, je pense que c'est lui qui a tout tourné, mais je ne suis pas sûre. Ouais, mais c'est quand même ouf. Je trouve qu'il y a plein de choses, plein de détails. Je ne sais pas, il y a un truc, ça marche, quoi. Ouais, ouais. Il marche trop bien, il est trop fort. Là, même la scène qu'il a avec Nicole Kidman, où elle lui avoue, du coup, son fantasme, son etc. Et lui qui essaye... pendant tout le début de garder la face en disant non mais tu sais les hommes on est comme ça machin et puis elle lui dit ouais mais c'est quoi cette réflexion et non mais tu m'as... il essaie de faire le diplomate et puis en fait plus ça avance et moins il parle et tu vois il s'effondre et là tu commences à avoir tout un poids qui lui vient dessus et qui va garder tout le long quoi tous ses déplacements tout est hyper pesant et après c'est effectivement ce qu'on disait c'est l'ambiance dans laquelle il baigne du coup avec ce tournage qui est super long qui est dur où on le met sous pression ça ressort très très fort alors c'est quand même balèze d'arriver à tenir jusqu'au bout mais ça se ressent c'est impressionnant quoi c'est incroyable il fait un super boulot Après t'as une grosse direction direction d'acteur alors je sais pas comment il dirige du coup est-ce qu'il lui donne vraiment des directions ou juste il le met dans une situation de merde et maintenant joue normal mais en fait j'ai écouté un entretien juste où il racontait que il avait besoin de en fait les jeux naturalistes n'intéressaient pas du tout Kubrick donc Nicole Kidman et Tom Cruise racontent et qu'en fait il fallait le surprendre. Donc, il faisait des scènes, genre la scène où elle raconte son fantasme pour la première fois. Ils l'ont fait en pleurant, en rigolant. Ils l'ont fait pendant 3 semaines et des moments hyper longs. Et en fait, il fallait faire des trucs presque à l'opposé. Donc, ils étaient contents d'avoir cette liberté-là aussi d'improvisation quelque part et d'aller dans des directions complètement opposées. Et ça lui plaisait bien de trouver des trucs un peu hors du normal, quoi. Et en effet, quand elle raconte ça, c'est un peu chelou. C'est bizarre, elle rigole, après elle dit non, mais il y a un truc comme ça. Oui, ça peut naviguer, même dans le cut, peut-être qu'il ne prenait pas toujours les mêmes prises. Tout à fait. J'avais lu que une des scènes de fin avec Sidney Pollack, qui révèle la supercherie, plus ou moins, on ne sait pas, il lui a fait tourner des tonnes et des tonnes de fois. Alors que tu te dis, pour la peine, c'est une scène qui, normalement, comme elle est écrite, ça ne devrait pas être joué trop de manière différente. Mais non, en fait, il fait ça aussi, quoi. Ah non, mais moi, celle-là, je me suis dit, je veux savoir combien de fois ils l'ont fait. Je ne sais pas combien de fois, mais c'est énorme. Combien de mouvements aussi, des caméras, des machins, des trucs, d'être précis. C'est fou. C'est trop fou. Déjà, d'avoir survécu à ça et de le faire aussi bien, putain, bravo Tom Cruise, quoi. Là, c'est vraiment le truc qui prouve qu'il est un putain de star, quoi. Oui, après, ça, c'est un de nos arguments préférés quand on nous dit ouais, mais non, mais Tom Cruise, il a tourné avec Kubrick, il a subi Kubrick, il en est sorti. Il y a des gens comme ça? Non, il n'y a pas grand monde. Et il a fait Mission Impossible. Il peut faire les deux, tu vois. C'est quand même ouf, quoi. Bon, ça nous amène sur un cruisomètre où on va pouvoir un peu développer encore plus tout ça. C'est l'heure du cruisomètre. Et oui, le cruisomètre, cette note de 0 à 100 exprimée en pourcentage, où après le visionnage, on donne un peu l'importance de ce film, l'importance de Tom Cruise par rapport à sa carrière, en gros. Et ça, on a commencé à en discuter avant de démarrer, c'est hyper compliqué. C'est parce gros que, débat, ouais. Gros débat, je pense qu'on est globalement d'accord. Après, comment est-ce qu'on va traduire ça en pourcentage, c'est compliqué. Tu vois, moi, j'arrive pas à juger un film de Kubrick. Je trouve que c'est inclassable, impossible, parce que ça te met dans un état qui est compliqué à ressentir. Là, l'importance pour Tom Cruise, il a tourné avec Kubrick, c'est hyper important. C'est un film où il a tout donné, quand même. Il donne presque son mariage aussi, au final. Oui. C'est un peu pour lui, sur son image publique, sur son image, enfin sur sa vie privée, etc., c'est quand même un début de chute, quoi, un peu, qu'on va avoir la vraie chute, avec plus loin, avec après la guerre des mondes, quand c'est vraiment ça, tout s'effondre au niveau de son star system. Mais là, c'est une énorme prise de risque. Mais sans ce truc-là, est-ce que derrière il arrive à rebondir quand même, ou sinon est-ce qu'il s'enferme dans autre chose? Est-ce qu'il va, parce qu'il va quand même continuer à chercher des choses dans la foulée, il va faire Magnolia avec Paul Thomas Anderson. Est-ce que c'est quand même un gros gros marqueur dans sa carrière, et aussi c'est un des arguments assez imparables quand on dit ouais mais il a fait que des films de merde. Tu dis bah il a quand même fait T'aimes ou t'aimes pas, mais il a fait Eyes Wide Shut, qui est un des grands films du cinéma, quoi. Bah, moi, je me suis dit que sans ces films-là, il aurait jamais survécu au business Mission Impossible. Ce que je veux dire, c'est qu'il serait devenu un des comédiens. Oui, mais lui, il fait les films de merde comme ça. Bah, alors que c'est pas des films de merde, parce qu'on adore. Mais dans l'idée du cinéma, c'est ça. Mais c'est pas une grande star. Alors que grâce à ces films-là, il peut se permettre de faire par la suite tous les Mission Impossible, et tout le monde doit rester en silence. Parce qu'il peut faire les deux. Oui, et puis le fait qu'il ait fait ça, ça rajoute une couche sur le fantasme, sur les stars. Le truc qu'on racontait, notre postulat de base, c'est ça, c'est que maintenant, les stars Hollywood, en fait, il n'y a plus trop cette part de fantasme, il n'y a plus cet inconnu, puisque tu sais tout, tu les connais depuis leur création, tu sais comment ils sont fabriqués, les stars, et tu ne crois plus trop à ça. Il n'y a plus la part d'ombre. Et ce film-là, ça représente la part d'ombre de cette image de la vedette aussi, et de comment elle est utilisée aussi par Kubrick. C'est ça qu'il voulait, Kubrick, quand il prend Kidman et Cruise, c'est utiliser ces vedettes-là, parce que c'est le power couple de l'époque, quoi. Donc c'est très fort. Et en plus, grosse école d'humilité, quoi. Je pense qu'il a bien dû prendre cher. tu te calmes, quoi. Ouais. Comment ça se traduit en pourcentage, ça, c'est dur. Alors moi, je, parce que notre top pour l'instant, c'est Mission Impossible, je pense. Et moi, j'étais à 97. Ouais, tout à fait. Moi, je pense que je vais donner 98%. Ah là, balèze. Bah écoute, moi, je regardais un petit peu les autres films. Dans ce qu'on a de plus haut après, ça doit être Rain Man, est né un 4 juillet. Ouais. En termes de performance et d'impact, qui sont forts. Mais ça, je pense clairement, c'est beaucoup plus fort en termes d'impact. Après, du coup, si tu regardes entre Mission Impossible et Eyes Wide Shut, Mission Impossible, c'est ce qui va lui faire exploser complètement aussi en tant que producteur, et qui va le faire continuer sa carrière, et encore maintenant, il continue. Ouais. Eyes Wide Shut, c'est ce qui fait, c'est la part d'ombre du truc, quoi. Enfin, et c'est aussi hyper important. Du coup, j'ai du mal à me dire. C'est en fait le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Tu vois, c'est horrible. Est-ce que l'épreuve de Eyes Wide Shut, c'est ce qui est constitutif de lui? Ou est-ce que. Et auquel cas, c'est ce qui est le plus important? Ou est-ce que Mission Impossible, c'est sa trace, on va dire, dans le monde du cinéma? Et c'est ça qui est le plus important. C'est pas facile, hein, tu vois. Du coup, j'hésite. Depuis tout à l'heure, je me dis, je mets un petit peu en dessous, ou je le mets à égalité avec Mission Impossible? Je ne mettrai pas au-dessus, parce que c'est un côté un peu pas négatif, mais c'est très dur de se dire c'est ça le truc le plus important dans la carrière de Tom Cruise. Je ne suis pas sûr que ce soit le plus important. Bah, moi, je pense que c'est pour ça qu'on a les Mission Impossible par la suite. S'il n'y avait pas ça, on se serait arrêté à deux, parce qu'en plus, les deux, ils se révèlent un gros flop. Ouais. Bon, spoiler alerte, mais et il a pu continuer parce qu'il a eu ça. Sinon, Mission Impossible, il serait mort, quoi. Même s'il voulait le produire, tu vois, il serait passé ailleurs. Donc après, pour moi, c'est un plus pour Mission Impossible. Mais bon, c'est mon point de vue. Hein. Après, c'est pareil. Est-ce que s'il n'y a pas Eyes Wide Shut, il est encore avec Nicole Kidman? Est-ce que c'est pas ça qui. Il y a tellement d'univers parallèles. En fait, t'as la vie de Tom Cruise. Il y a Eyes Wide Shut, et c'est là qu'il y a plein d'univers parallèles qui partent, quoi. Ouais. C'est là où. Tout change. D'ailleurs, il y a un truc. J'ai écouté un espèce de truc. Je ne sais pas si c'est vrai. Peut-être toi, tu as eu des infos. Une autre anecdote, c'est qu'il était beaucoup entouré par les gens de la Scientologie sur les tournages, et que la fille de Stanley Kubrick, elle est devenue scientologue pendant les tournages. Et en fait, Stanley Kubrick, il était tellement vénère contre la Scientologie qu'il a embauché un des gourous de Tom Cruise comme valet de Monsieur Ziegler pour l'humilier. Alors, c'est vrai. J'adore cette anecdote. C'est trop ouf, non ? Il était trop vénère. Quoi. Après, il y a plein de gens qui disent que Eyes Wide Shut, c'est la critique de la Scientologie par Kubrick. Voilà, après. Ça, moi, je trouve que c'est pas très malin, du coup, de se dire ça. Ça fait un peu. C'est comme quand moi, je te dis que la firme, c'est un appel du pied à Tom Cruise. Tu vois, c'est le même genre de conneries. Ça, quand c'est entre nous, c'est pour la blague, c'est marrant. Mais je trouve que Je pense pas. Puis ce serait un peu réduire la réflexion de Kubrick. Carrément. Bref, j'ai pas donné ma note, mais du coup, c'est dur. Moi, j'ai mis 98, je crois, Top Gun. Non, Mission Impossible. Ouais, alors... Mission Impossible, du coup, t'as mis 90, je vais mettre 97. Ok. Comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, les deux... Très bien, ça me plaît. Mais oui, effectivement, ça fait partie des films très, très importants. Bah ouais. Et aussi des performances, hein, parce que c'est une performance qui est quand même pour la peine. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a fait de plus impressionnant en termes de jeu. Bah, avec beaucoup d'économies, en plus, avec une économie de jeu. Hein, c'est balèze. Ouf. Okay. Je te donne quand même le petit Rotten Tomato. Yes. 75%. C'est pas énorme. C'est pas mal. C'est moins que Jerry Maguire. C'est moins. Et ça, c'est une honte. Mais c'est là que tu sens que pour la peine, c'est un truc difficile pour les critiques à jauger, tu vois. Clairement, tu vois la note, c'est pareil. Je vois pas comment on peut classer ce film et lui donner un c'est important, c'est compliqué. Et par contre, Allociné, 3,5 sur 5. French people are happy. Ils sont contents avec la tromperie. Ouais, ça doit être ça. C'est le côté c'est le côté tromperie, c'est cool ça. OK. J'ai pas de questions. Parce que là, on a fait quand même un bon paquet. On en a posé plein des questions, mais ce sera pour une prochaine fois. Oui. On va se faire des petites recommandations avant de se quitter. Ok. Alors, Serena, fais-moi rêver. J'ai beaucoup réfléchi à cette recommandation et je pensais à un film sur la jalousie. Oui. Et je trouve que c'est quand même les thèmes assez intéressants. Et je pensais à... pas un film qui devait exister mais qui n'existe pas, et du coup un documentaire qui a été fait sur un film qui s'appelle, le documentaire s'appelle L'Enfer de Henri Georges Clouzot. C'est les noms du film. C'est un film, c'est un documentaire génialissime avec des images de ouf. Et donc c'est Clouzot qui avait budget illimité sur un film financé par des Américains, où il a dit ok, je fais tout ce que j'ai envie de faire. Il embauche Romy Schneider et Reggiani. Ouais. Et il tourne tous les plans qu'on voit où elle, avec les glitters, avec la lumière qui tourne. Mmh. Tous ces plans-là ont été tournés sur le tournage de ces films. Mais il fait des avancées technologiques des ouf et des expérimentations d'images des ouf, mais on n'a pas tout. Ils ont fait des expérimentations aussi des ouf par rapport au son et tout, mais on n'a pas tous les matériels, rien n'est resté. Clouzot, il a failli mourir sur les sets, genre attaque cardiaque et tout. Et en fait, le film n'est jamais sorti. Parce qu'ils ont arrêté, ils ont dit non, voilà, c'est trop, tu vois. Et les documentaires, il est trop impressionnant. Et les images sur la jalousie, tu vois, qu'est-ce qu'il aurait pu faire par rapport à la jalousie avec un budget limité, c'est impressionnant, quoi. Trop beau. Trop bien. Il y a que des bribes, mais c'est déjà génial. Oh, putain. À voir, vraiment. Surtout si vous êtes technicien lumière comme moi. C'est génial. Ah, et toi? Et ben, bon, moi, j'ai galéré à trouver parce que j'étais tellement kéblo sur ce film que j'ai galéré à trouver une recommandation. Je pense que ce sera un peu moins bien que la tienne, mais ça m'a fait penser dans le genre à un film qui paraît qui joue sur les faux semblants, sur la jalousie, sur la tentation, etc. C'est un film de Park Chan-wook qui est Mademoiselle. Ah, je l'ai pas vu. Non, mais j'ai trop envie. Ça, c'est pas mal parce que dans génial, le genre d'ambiance un peu thriller érotique, tu vois. Mais c'est pareil, c'est comme y a des gens qui disent que Eyes Wide Shut, c'est un thriller érotique. C'est pas vraiment. C'est un peu réducteur. Et Mademoiselle, c'est pareil. Ouais. Parce que t'as un peu des trucs de ça. T'as une espèce de triangle amoureux, t'as de la tentation, t'as du complot, etc. Et avec cette espèce de... Et au final, en vrai, en gros, dans tout ça, c'est quand même le réalisateur qui manipule la vision de la chose. Oui. C'est pareil esthétiquement, enfin, c'est une maîtrise cinématographique dingue. Enfin, après, Park Chan-wook, il n'y a plus trop à douter de ça, quoi. Mais... Ah non, mais non, c'est et, trop... et Mademoiselle, ouais, c'est très très très bien. Enfin, j'ai un grand souvenir, et pareil, c'est le genre de film où tu ressortes, c'est pas trop... t'es tellement dans un état particulier en le voyant, t'es tellement dedans que... Voilà, du coup, petite recommandation, cinéma aussi. Parfait. Wouh ! Ah, on peut respirer. Voilà, on respire avec une petite musique. Ah, trop bien. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé de la BO, mais la BO, la bande son géniale de Jocelyne Pouk. Et pas que, mais il y a les pianos. Ouais, les pianos, c'est ça. Mais ça, c'est dingue. Non, mais c'est trop dingue. Bon, dans les commentaires, tous les gens disent « Ouais, c'est fait par un enfant de 2 ans, c'est 3 notes. » Ouais, enfin, quand même. Ça t'éhante, ces pianos-là. 14 notes, je pense, mais ça t'éhante, quoi. C'est dingue. Bref. Ok. Alors. Petit point technique, parce que là, arrive sur la fin des années 90. Wouhou ! En temps normal, on devrait faire un live. Là, au moment où on enregistre, on ne sait pas encore exactement comment ça va se goupiller. Ce qu'on s'est dit, et ce qu'on va faire normalement, si tout va bien, c'est que dans deux semaines, on se retrouve pour un épisode particulier. Ce ne sera pas spécial, en live, mais on va essayer de faire un ou deux épisodes un peu particuliers autour d'une thématique qui nous tient à cœur. Dont il faut parler, en fait. En tout cas, parce que là, on arrive tournant des années 2000, et pour Tom Cruise, c'est la grosse question, c'est la scientologie. Ouais. On essaye de trouver une manière un petit peu plus rigolote de le faire que de parler juste de scientologie, parce que c'est quand même pas un truc super fun. Donc, on va normalement sortir deux épisodes. On ne sait pas comment ils vont se goupiller un peu exactement, mais deux épisodes spéciaux sur la scientologie. Bon, restez à l'écoute parce que je pense qu'il y a moyen de rigoler au moins sur un des deux. En tout cas, ça devrait être assez marrant. Donc, on se retrouve normalement dans deux semaines sans souci. On sera là. On vous a pas souhaité bonne année, mais bonne année, c'est vrai qu'on a oublié de le dire. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux avec @cruzometer, sur Instagram, Twitter, machin. Sur internet, on a un site internet qui s'appelle cruisecontrol.card.co, card.co. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes, vous n'hésitez pas, vous mettez des petites notes, vous en parlez aux copains, copines. Là, pendant les fêtes, vous en parlez à tout le monde. Voilà. Bonne année. C'est un bon discours autour de la table, tu sais. C'est ça. Tu penses quoi des Tom Cruise? Il y a un débat, des familles qui se passent. Comme ça, tu parles pas Covid. Ouais, c'est clair. Tu pars Tom Cruise, quoi. Et là, tu souhaites la bonne année aux gens, tu sais, bonne année. Tu connais Tom Cruise, tu connais Cruise Control, tu vois. Ça se fait. Franchement, génial, ça se fait. Donc voilà, donc vous n'hésitez pas, vous nous relayez partout. Sinon, vous écoutez tous les épisodes, vous écoutez que les recommandations. Comme ça, ça vous fait d'autres trucs à écouter que nous, si ça vous fait chier de nous écouter. Tu vois, c'est toujours ça de prix, c'est cadeau, ça. Et sinon, on est hébergé par PodCloud, qui est une association qui œuvre pour la diffusion facile et accessible du podcast indépendant. Et donc ça, c'est très très bien, on remercie encore. Et puis ben voilà, donc on se retrouve dans deux semaines pour un épisode qu'on connaît pas encore. Chelou. Ça va être chelou, ça va être marrant, mais on espère que ça va vous plaire. Et sinon, n'hésitez pas à vous envoyer des messages comme d'hab. Et on vous fait des bisous. Des bisous.